Bienvenue dans l'émission Un artiste, une cause sur Marmite FM 88.4. Le concept de cette émission est simple, il s'agit d'inviter un artiste pour parler d'une cause qui lui tient à cœur. Aujourd'hui, c'est l'aide aux musiciens qui est à l'honneur et les difficultés à se faire connaître. Et pour cela, nous recevons la musicienne yvelinoise Charlie Gone, accompagnée de Hubble, qui forme le duo Charlie et Hubble. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, Charlie Gone, on va commencer par vous présenter. Vous êtes une chanteuse, auteure, compositrice et guitariste. Exactement, oui. Et donc, racontez-nous un peu votre parcours et ce qui vous a amené à cette vocation de musicienne. Alors, j'ai un papa qui est musicien, ce n'est pas son métier, mais qui m'a appris à... Enfin, c'est un peu là-dedans que j'ai baigné. Et mon vrai déclic a été en 97, quand je suis rentrée dans une chorale gospel qui s'appelle Saint-Quentin Gospel, qui doit être connue, hein. Ici en tout cas. Oui, tout à fait. Ouais. Voilà. Et là, c'est la révélation. Ouais, ça a été la révélation parce que déjà, c'était comme une famille et ça a perduré vraiment dans le temps. Donc, encore maintenant. Là, j'ai fait mon dernier concert avec eux l'autre soir. Et en fait, j'ai appris la scène en étant soliste sur beaucoup de scènes. Voilà, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de scènes. Et puis, en une vingtaine d'années, au fur et à mesure, ça a grandi. Très bien. Et ensuite, vous avez sorti un premier EP par la suite? Voilà. Alors, j'ai eu plusieurs expériences. J'ai commencé à faire des bars, à faire des restaurants, mais avec un autre guitariste pendant 10 ans. Sauf qu'à un moment, nos chemins se sont séparés parce qu'on n'attendait pas les mêmes choses. Moi, je voulais vraiment vivre du live, des concerts. Et au fur et à mesure, et puis on n'avait plus les mêmes objectifs. Moi, j'étais vraiment dans l'humain et dans la réception, la réceptivité avec les gens. Et lui, un peu moins. Donc, on s'est entendu pendant un moment. Et ensuite, nos chemins se sont séparés. Voilà. Et puis, j'ai rencontré Hubble. Et aujourd'hui, vous formez un duo avec Hubble. Comment s'est passée la rencontre entre vous deux? Alors, c'est un peu comme un couple dans la vie, hein. Je dis ça à chaque fois parce que on le sent ou on le sent pas, et c'est à partir du moment où je l'ai rencontré que j'ai commencé à en vivre. Ouais. Bon, ouais. Voilà. Je l'ai rencontré justement au moment où j'avais plus de guitariste et où j'avais décidé d'essayer de faire des concerts toute seule à la guitare. Bon, j'en ai pas fait beaucoup parce que c'était pas mon trip. Parce que j'aime bien échanger avec les gens et je suis pas du tout solitaire, donc, j'ai fait une petite scène dans un téléthon à Lys, dans le 91. Et lui avait fait la même chose. À l'époque, il était avec un beatboxer violoniste. J'ai trouvé le concept génialissime. Et les compos très, très bonnes. Et humainement, je les ai trouvés super sympas. Donc, j'ai commencé à échanger surtout avec Hubble. Et puis, on s'est perdu de vue. Voilà. Un petit peu comme dans la vie, un couple, hein, c'est exactement ça. C'est, on rencontre quelqu'un, il n'y a plus rien. Et puis après, finalement, c'est la personne de ma vie. C'est pareil, musicalement, c'est ça. Je l'ai re-rencontré, on va dire, peut-être 3 ans après, parce qu'on avait échangé sur Facebook. Voilà, exactement. Mais pour une bêtise. Je sais pas si on doit en parler, mais c'est rigolo. Vas-y, bof. Si, c'est trop rigolo. J'ai envie d'en parler parce que, en fait, il avait besoin de clap pour une émission, sur quoi? C'était quoi? AB1? Ouais, j'étais sur avec AB1, Jackie, du Jackie Show. Alors, j'ai trouvé ça trop marrant. Je dis, ah non, trop marrant, c'est toute mon enfance, on va rigoler. Et puis, c'est l'occasion de se revoir. Donc, du coup, je suis allée faire la clap. Rapidement, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est faire la clap? Faire la clap, c'est faire les applaudissements, faire un public, tout simplement. Voilà. Très bien. Et après, on a échangé. Je fais, maintenant, c'est moi, j'ai besoin d'une clap, c'est toi qui vas venir. Donc, voilà comment on s'est revus. Ensuite, on s'est encore perdu de vue. D'accord. Et un jour, il m'a rappelé en me disant, écoute, est-ce que ça t'intéresse de faire des soirées, mais ne pas être cantonné à juste ce que tu fais, et puis vraiment varier les plaisirs, c'est-à-dire si tu dois chanter en français, tu chanteras en français, si tu dois faire ça, tu dois faire ça, et être réactive, etc. Et moi, j'ai cherché quelqu'un de réactif, justement, comme moi, que je ne trouvais pas. Et justement, je déteste la routine, hein, donc j'aime vraiment toucher un peu à tout. Et lui aussi. Ouais, on est vraiment éclectique, quoi. Voilà. Et au moment où j'ai vraiment eu le déclic avec lui, c'est au moment où j'ai eu une opportunité pour jouer dans un restaurant tous les week-ends. C'était l'opportunité justement de commencer à pouvoir se déclarer, de devenir intermittente. Et j'ai besoin de réactivité, j'ai besoin de quelqu'un qui s'investisse à ce moment-là. Donc j'avais le choix entre deux guitaristes. Donc le premier avec qui ça n'a pas marché, qui n'était pas très loin, justement. Et donc Hubble, qui habite beaucoup plus loin, qui est à Avery, et du coup, je n'y croyais pas du tout. Je me suis dit, il va me dire, je viendrai de temps en temps, mais... Et là, au moment où je l'appelle, il répond et il dit, oui, c'est bon, je viens et je viendrai tous les week-ends. Et il s'est donné les moyens, et surtout, très important, ce que je recherchais, c'est qu'il décrochait au téléphone et il me donnait une réponse tout de suite. Donc, alors que les autres, contrairement aux autres, qui envoyaient des SMS trois jours après pour un seul mot. Voilà, d'accord. Donc j'ai trouvé vraiment mon complément à ce niveau-là. On va parler de vos influences musicales à tous les deux. Mm-hmm. Les artistes qui vous influencent ou qui vous inspirent encore aujourd'hui. Alors c'est complètement différent et en même temps on se retrouve sur beaucoup d'influences parce que moi j'ai commencé à être fan de Queen à partir de l'âge de 12 ans, au moment où il est décédé, parce que mes parents étaient allés voir un concert avant, et puis je suis devenue complètement folle de Queen pendant une période, mais c'était quelque chose de... Et je suis toujours, hein, mais maintenant j'ai du recul, c'est pareil. Et ensuite, dans ma période un peu plus adolescente, arrivée vers... fin adolescence quand même, parce que 19-20 ans... on va dire que là, ça se gâte. Voilà. Je suis passée au Hanson. Donc c'est qui chantait Mbop, j'ai eu un gros coup de cœur. Ah oui. Oui, oui, c'est là ça se gâte. Ça se gâte. Ça se gâte. Voilà, tout le monde a toujours eu un a priori, mais bon, moi j'en ai jamais vraiment eu puisque je suis allée à des concerts et j'ai vu un petit peu ce que ça donnait. Donc ce que j'ai adoré justement, j'ai été très influencée parce qu'ils étaient justement dans l'improvisation, dans le feeling, le scénique, tout ce que moi je suis. Et donc ça m'a beaucoup influencée. Sinon, niveau personnalité que j'adore, y a Pink. Voilà, j'ai vu aussi en concert et j'aime beaucoup parce qu'elle est très, très scénique aussi et puis très juste surtout. Et sinon, j'aime beaucoup tout ce qui est gospel, country, du Lenny Kravitz, du Prince, Otis Redding, Red Charles, enfin tout ce qui sort un peu des tripes. En fait, je suis pas trop chanson française. Et vous, Hubble? Alors moi, forcément, comme je fais de la musique, en général, je suis plus attiré par les musiciens, on va dire. Donc moi, j'ai un petit peu tout. J'aime des guitaristes comme Santana, des choses comme ça, un petit peu Dire Straits, Mark Knopfler. En chanteur aussi, j'aime bien Queen, tout ça, c'est des références, donc automatiquement, là on se rejoint. J'aime le rythme, tout ce qui est groove, tout ça. Donc il faut qu'il y ait de la joie, toujours un petit peu le côté un peu danse, voilà, que ça y a du rythme. Quoi. Voilà, c'est là où on se rejoint aussi, c'est que je suis très très rythmique en fait. Voilà, très d'accord. Tout ce qui est un peu funky et tout en mélangeant. C'est-à-dire que j'aime pas des fois le pur brut funk. Enfin, si, ça, certains classiques, bien sûr. Mais j'aime qu'il y ait un mélange avec divers styles. Souvent, j'aime bien adapter du rock dedans et éventuellement de la pop, voire même du reggae avec du funk. Je fais des espèces de... Voilà, de cocktails. Bon, les Hanson, on va dire que je les ai écoutés, mais c'est pas... C'était pas la même référence, effectivement. C'est pas trop mon truc. Mais bon, c'est... voilà, chacun a ses petits défauts. Hein, chacun son parcours. Défaut, hein. Non, mais... Alors, vous composez, vous écrivez les textes tous les deux, ou qui fait quoi dans le duo? Alors, moi je fais l'homme, lui il fait la femme. Oui, d'accord. Non, alors en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai mes compos de mon côté, il a eu les siennes, et depuis qu'on est devenu intermittent du spectacle, on communique, on essaie de composer ensemble, de faire des nouvelles compos, et en plus d'arranger nos anciennes compos dans une sauce, on va dire, unifiée. On va justement parler de votre actualité, c'est avant tout la préparation d'un album, oui. C'est bien ça? Voilà. Donc vous pouvez nous en dire un peu plus? Ce que je disais à l'instant, ça va être assez éclectique, c'est-à-dire que globalement il y aura une. Par contre, alors on a cherché énormément une recette. Hein. C'est pour ça qu'on a fait beaucoup de reprises avant. Pour dire les choses, c'est que les reprises globalement, je disais ça parce que par rapport à ça, disons que les reprises nous ont mis dans un système de musique qui fait que on a réussi à devenir beaucoup plus professionnel dans le sens pour vraiment s'adapter tous les deux. C'est-à-dire que et à partir de là, on a chacun un peu composé de notre côté et puis des fois ensemble. Et là, on est vraiment en train de relier toute cette matière qu'on a communiquée depuis 2 ans, qu'on travaille ensemble vraiment au niveau de professionnel. Et c'est là qu'on est en train de trouver vraiment notre propre identité. Parce qu'en fait, on est beaucoup plus stable au niveau... Parce que moi, j'ai fait le contraire. C'est-à-dire que j'ai réalisé des fois des maquettes, des bandes et des compositions parce que bon, j'étais là-dedans. Mais je voulais me créer une forme de stabilité, devenir ce qu'on disait, on est devenu professionnel, on est intermittent, donc voilà. Donc du coup, maintenant, ça nous permet une sérénité de pouvoir composer d'une manière beaucoup plus stable et d'être dedans vraiment dans notre voilà. C'est un peu le schéma que je voulais un petit peu présenter, quoi. On va donc à présent découvrir un extrait de ce prochain album. Il s'agit du titre Rhythm and Soul. Alors, Rhythm and Soul, c'est une chanson que j'avais composée il y a longtemps dans mon coin, au piano, il y a bien longtemps. Et je l'ai fait écouter une fois à Hubble, et puis il a flashé dessus, et il a voulu la réarranger à sa sauce, parce qu'elle n'était pas très bien arrangée, parce que moi je ne suis pas arrangeuse, lui il a la chance d'être très doué pour ça. Donc bah, ça a donné ce que ça a donné, ce que vous allez écouter maintenant. Charlie Hubble sont nos invités dans l'émission Un artiste, une cause sur Marmite FM 88.4. Charlie Hubble, on va s'intéresser maintenant à votre cause, qui est l'aide aux musiciens. Vous avez souhaité parler des difficultés que rencontrent les musiciens pour se faire connaître, ouais, avec toutes les barrières qu'ils doivent surmonter. Mm-hmm. Moi, je pense que ce qui est très difficile, alors il y a plusieurs cas de figure. Je pense qu'il y a quand même une partie de chance. Je pense qu'il faut au moins être deux. Et pas beaucoup plus pour pouvoir déjà. Il faut être complémentaire. On peut pas. Enfin, c'est très rare d'être tout seul et de s'en sortir. On a besoin de un binôme. Mais vraiment, au départ, voilà, on a tous essayé de notre côté, ça n'a pas marché parce que il y avait des binômes, il y avait des envies, mais il y avait pas vraiment la même ambition, la même niaque. Justement, prenons les choses par le commencement, c'est-à-dire que concrètement, au départ, quand on décide de se lancer dans la musique, c'est un peu le parcours du combattant. Et de par votre propre expérience, racontez-nous un peu comment ça s'est passé pour vous. En fait, moi, j'étais un peu perdue. Je savais pas par quoi commencer. Donc, je voulais commencer par faire des compos avant de faire des reprises. Et en fait, c'est le contraire qu'il faut faire, tout simplement. D'accord. Ah, ça, alors, c'est une expérience, voilà. Ça, oui, c'est mon expérience à moi, et je pense que c'est aussi celle double. Voilà, c'est pas forcément tout le monde, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que nous, pour nous, disons, comme je parlais tout à l'heure, c'est par rapport à notre... moi, j'aime une certaine stabilité, comme je disais tout à l'heure. C'est que, en fait, j'ai fait l'inverse, et je vois que ça m'a pas réussi. Donc, je me suis dit un jour, je me suis penché là-dessus, et j'ai dit, ben, maintenant, je vais faire le contraire de ce que j'ai fait. Et, d'accord, et c'est là que ça a commencé à fonctionner. Alors même en ayant tous les talents du monde, il n'y a pas de solution miracle, il faut aller à la rencontre du public et même des professionnels de la musique. Pour ça justement, comment on fait pour y parvenir? Quelles sont les difficultés que l'on rencontre? Ce qu'on rencontre comme difficulté, c'est que souvent les gens, disons que c'est toujours l'expérience qui fait que quand on arrive souvent devant les personnes qui vont être décisionnaires, je ne sais plus comment, voilà. Donc du coup, ces personnes-là, il faut arriver à les convaincre. C'est là la difficulté en général. Et moi, j'abordais ça souvent tout seul. Au moment où, par exemple, la personne j'arrivais pas à communiquer, il y a toujours des moments où on a des failles au niveau, on est en train de parler, et puis automatiquement, tac, ça nous impressionne, on a des petites lacunes. Bah, c'est là qu'il faut avoir quelqu'un, des fois, qui reprenne le relais. Parce que le principe, c'est que, et ça, on s'entend bien là-dessus. Ouais, ouais. Voilà. C'est-à-dire que, globalement, quand on arrive sur une personne, elle voit que par un moment, je sens que je suis un petit peu en train de perdre la fonction dont je suis en train de faire, le contrôle, voilà, comme là, je suis en train de le perdre. C'est bien d'avoir une aide à côté, en général. Ça dépend des personnages, c'est ce que je dis. Pour nous, c'est comme ça. Maintenant, il y a d'autres gens, ça va tout seul, ils vont fonctionner comme des bêtes. Hein, Pour toucher le public et les professionnels avec ces outils de communication qui existent déjà, quels sont ceux qui vous semblent finalement les plus efficaces? Est-ce qu'il y a des moyens de com qui fonctionnent beaucoup mieux que d'autres? Moi, je pense que c'est vraiment le bouche à oreille et la rencontre directe avec d'abord le public. Ouais. Parce qu'on s'est rendu compte, on a essayé même chacun de notre côté hein, avant de travailler ensemble. Facebook, c'est bien gentil, mais il y a beaucoup de manipulation derrière tout ça. Et si on n'aligne pas 20 000 ou 30 000 euros pour avoir une vraie pub, personne ne verra le strict minimum. Donc c'est vrai, c'est pas le début, c'est une finalité Facebook, c'est un élément en plus. YouTube, c'est pareil, hein, tout ça. Donc, en fait, je pense que ça se construit au fur et à mesure. Et une fois qu'on a déjà vraiment son public, après, ça commence à prendre. C'est bien que ça existe, heureusement que ça existe, mais il ne faut pas compter que là-dessus, en fait. Il y a beaucoup de réseaux, même intérieurs. C'est du réseau, en fait. Et le réseau, ce n'est pas spécialement Internet, à la base. Le réseau, on le trouve sur place. Oui, voilà. C'est pas toujours... des fois, on croit qu'on va se faire un nom parce qu'on peut être connu sur Internet, faire des vidéos... Mais on n'arrive pas à vivre de son art. Il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là. Maintenant, le problème, c'est que tout le monde fait ça. Tout le monde fait ça, et ce qui fait qu'en fait, on est vite noyé dans la masse. C'est-à-dire que globalement, il y aura toujours les 10 qu'on verra toujours, qui seront trop en haut de la page. Et puis vous allez vous retrouver à la 20 millième en dessous. Ce qui fait qu'il ne faut pas compter que là-dessus. Moi, je pense que c'est bien, on peut montrer ce qu'on fait. Pour, par exemple, d'ailleurs, ce qui est intéressant chez YouTube, c'est que, par exemple, pour démarcher, des fois, on démarche chez des gens qui nous prennent pour un mariage ou quelque chose. Bon, bah là, ce qu'on leur dit, on leur donne un lien éventuellement YouTube avec des vidéos, des choses comme ça. On s'en sert plus comme ça que spécialement pour dire on est les meilleurs, on joue. Enfin voilà, c'est vraiment une présentation juste pour nous montrer. Et ça permet, alors ça, les gens, ils adorent, c'est le côté. Mais par contre, de là à se dire, on va faire des millions de vues, tout ça. Je pense que... Alors, il y en a qui y arrivent, mais je pense qu'il y a des moyens derrière qui sont pas très catholiques, là, derrière tout ça, qui fait qu'ils boostent tout ça. Et après, c'est des achats de liens, de bidules, de machin. Et bon, voilà, c'est un petit peu corrompu, tout ça. Et dès lors qu'un musicien veut créer ou a créé, par exemple, une ou plusieurs chansons, comment il peut arriver à financer un premier EP? Le coût est certainement assez élevé. Moi, le premier, j'avais eu un EP avant de rencontrer Hubble. Je me le suis fait financer par un patron de restaurant qui est devenu un ami et qui a cru en moi et mon guitariste au moment où on voulait faire justement un projet et qui nous a financé cette EP. Donc aussi bien le studio, payer les musiciens, les stylistes, maquilleurs. Voilà, il y a eu un gros investissement sur seulement 4 titres et malheureusement qui n'a rien donné parce qu'il faut que ça sache et c'est pas en postant une vidéo que ça va savoir, c'est beaucoup d'argent derrière avec une grosse équipe de promotion quoi. Si on n'a pas la grosse équipe de promotion derrière, ça n'a aucun intérêt en fait. Vous êtes en fait actuellement en autoproduction. Oui. On peut dire ça. Oui. Oui. Oui. Oui. Est-ce que vous êtes à la recherche d'un label, d'un tourneur? Alors là, nous, on fonctionne déjà avec ce qu'on appelle une prod. Ouais. Parce qu'en fait, il nous fait tourner. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on joue. Hein. C'est ce qu'on disait qu'on était intermittent, c'est parce qu'en fait, globalement, on a pas mal de contrats venant de la prod qui nous trouvent des établissements où jouer, des choses comme ça. Donc ça, c'est important. Après, faut arriver à convaincre ce genre de personnes à travailler avec vous. C'est toujours pas facile, mais pour arriver à travailler avec ce genre de personnes, c'est un peu la même chose. Ça veut dire qu'au départ, faut déjà travailler vous. C'est-à-dire qu'il faut aller démarcher, essayer de convaincre justement les personnes clés qui vont vous faire travailler dans des endroits un peu particuliers comme les restos ou des scènes. Et à partir de là, comme vous faites de la date, ben globalement, il y aura forcément une personne plus professionnelle derrière qui finira par venir à vous. Il faut arriver à trouver ce... Mais par contre, il faut aller un peu au charbon au départ. C'est-à-dire, et pas compter que justement, c'est là où est le problème de vidéo, Facebook et compagnie. Alors, ça peut être intéressant. Des fois, il peut y avoir une personne là-dedans qui vous repère et qui vous dit « je vais jouer ». Moi, ça m'était arrivé. Une fois, j'ai joué en Suisse. J'ai fait une tournée en Suisse avec justement David X où je faisais... le gars nous a fait jouer en Suisse. Donc, c'était super intéressant. Il nous a vus. Mais c'était grâce à une vidéo qu'on avait fait en live, qu'on avait fait un festival à Niort. Et qui fait que on avait beaucoup de vidéos où on jouait en concert quand même. Il a vu nos vidéos, ça l'a intéressé, il nous a fait une tournée sur la Suisse. Mais c'est vraiment parce qu'il nous a vu en condition de live et tout ça. On peut dire un mot sur la protection des œuvres musicales et les droits d'auteur. Est-ce que vous protégez votre musique? Est-ce que vous avez des conseils à donner? Alors oui, automatiquement, dès qu'on passe une musique ou qu'on la sort sur le net, elle est automatiquement protégée à la SACEM. Nous, on y est depuis un bout de temps. Ouais. Après, pour rentrer à la SACEM, c'est pas évident. Je crois que c'est peut-être un petit peu moins compliqué. Maintenant, je crois qu'il faut faire des dates, simplement. Si t'arrives à faire 6 dates et à les déclarer, je crois que c'est ça. Et une fois que t'as fait ces 6 dates, tu peux postuler à la SACEM. Voilà. Il n'y a que la SACEM qui existe pour... Non, il y a d'autres, la SNAC, tout ça, il y a d'autres choses. Vous pouvez aussi envoyer ce qu'on appelle un... Ouais, c'est... La SNAC, si, c'est un... Non, je veux dire, on peut s'envoyer à soi-même avec un recommandé, c'est voilà, ça. Voilà, c'est ça. Ouais, il y a ça, éventuellement. Ça, c'est au tout début, quoi. Ouais. Moi, je l'ai fait les premières fois, mais il y a super longtemps, mais... Le problème, c'est que ça laisse une trace, mais du coup, on n'a pas de droit qui tombe après. Donc, au moins, avec la SACEM, voilà, tout est déclaré. D'après vous, finalement, aujourd'hui, qu'est-ce qui manque vraiment pour pouvoir encore mieux aider un musicien à tous les niveaux? Est-ce que vous avez éventuellement des nouvelles idées, des solutions à proposer? Alors, ce qui peut aider, là, on va rentrer dans un sujet qui peut vous contrarier. Ce qui peut énormément aider les musiciens, c'est que, enfin, contrarier, non. Vous le faites, donc ça va. Mais voilà, les médias, les radios, ouais. Je trouve qu'elles font pas assez découvrir des nouveaux talents, des personnes nouvelles. Elles prennent pas assez de risques. C'est-à-dire que globalement, vous le savez, hein, surtout les gros médias, elles sont pointées. On entend une playlist toutes les heures, c'est la même H24, et puis ça tourne. Donc globalement, ça aide pas vraiment les débutants. Voilà, c'est bien que des radios comme vous le fassent, parce que ça donne de la possibilité justement de se faire découvrir par le public. Et le souci, c'est ça devrait se répandre de plus en plus. Ça devrait même presque y avoir une loi là-dessus, parce que c'est pas normal que systématiquement on retrouve les mêmes chanteurs, les mêmes compositeurs qui tournent en boucle H24 sur les radios, quoi. Enfin, moi, je trouve ça un peu limite, quoi. Non, c'est pas le cas de Marmite FM. Et on rappelle que Charlie Hubble, vous êtes en préparation d'un nouvel album. Oui. Et des prochaines dates. Deux concerts. Oui. Alors là, pour l'instant, donc on a le vendredi 28 avril, on joue au Jardin Napolitain à Jouy-en-Josas à partir de 20h, voilà. 20h30. C'est un petit restaurant pour expliquer un petit peu. Ouais. Voilà. On a le 15 avril au Napolitain de Saclay cette fois. Donc c'est pas celui de Jouy-en-Josas, mais celui de Saclay. Et le 21 avril au restaurant chez Antoinette à Versailles. Voilà, et après, c'est que des soirées privées. Et on peut donc retrouver toutes les informations, votre actualité, vos concerts sur votre Facebook, voilà. Charlie Hubble. Alors, on a deux Facebook pour l'instant. Moi, c'est Charlie Gone. Voilà, Charlie Gone Official. Et moi, il y a le mien, c'est Hubble & Co. ou alors François Hubble Rock. C'est noté. Et puis sur YouTube, Charlie Hubble. Voilà. Voilà. Et on va finir cette émission en musique avec vous, Charlie Hubble. Ouais. Et un titre live joué dans ce studio. Oui. Il s'agit d'un titre de Ed Sheeran qui s'appelle Thinking Out Loud. On vous écoute. Charlie Hebel était nos invités dans l'émission Un artiste, une cause sur Mamut FM 88.4. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci beaucoup. Voilà, l'émission se termine déjà. Charlie Hebel, merci d'être venu. Bah, merci de nous avoir reçus, avec grand merci plaisir. Beaucoup. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission Un artiste, une cause sur Mamut FM 88.4.